Chapitre 6 Les trois caprices de Mourad. Marsille trouva son fils un matin plus câlin qu'à l'ordinaire. Il le prit sur ses genoux et lui dit « Qu'a donc aujourd'hui mon enfant ? Jamais il ne m'embrasse et voilà que depuis ce matin j'ai reçu trois fois ses caresses. Seigneur, dit Mourad en appuyant sa petite tête sur la poitrine de son père. « Je voudrais le yatagan qui est à votre ceinture. « As-tu donc brisé tous tes jouets ? Es-tu fatigué de tes jeux que tu me demandes un aussi terrible hochet ?»« J'ai 7 ans, reprit Mourad en se redressant. « Je ne suis plus un enfant et puis porter une arme. La vue du sang n'a rien qui m'épouvante. » « Voyez plutôt. » Et prenant vivement le yatagan, avant que le roi ait eu le temps de s'y opposer, il se fait une entaille dans le bras. Alors, regardant fièrement son père, « Vous voyez que vous pouvez me le donner ?» Le roi étancha le sang avec sa ceinture, embrassa son enfant et lui laissa l'arme tant désirée. Le soir, Mourad eut un second caprice. Il n'était jamais sorti seul. Se promener la nuit dans la campagne, quoi de plus désirable ? Il ne connaissait la nature qu'au soleil. Il voulut la connaître silencieuse, pleine d'ombre et de clarté demi-voilée. On lui avait parlé du chant des oiseaux de nuit, du cri du lion affamé, des insectes brillant dans les herbes et faisant un écrin de chaque buisson, de parfums inconnus que la terre ne prête aux plantes qu'aux heures mystérieuses. Il résolut de voir, d'entendre, de connaître tout cela. Mourad se coucha comme à l'ordinaire. Il plaça son yatagan sous son chevet et attendit que tout reposât dans le palais. Puis il se leva doucement, s'habilla et se dirigea vers la porte. Son gouverneur la gardait, endormi sur le seuil. Il s'arrêta et réfléchit. « Si j'essaye d'ouvrir cette porte, je vais réveiller mon gardien. Si je le réveille, cédera-t-il à mes prières ? Non, certainement. Cédera-t-il à mes menaces ? Il en rira. » Je vais donc, en interrompant son sommeil, le mettre dans un grand embarras dont il me sera mauvais gré. Mieux vaut ne pas le réveiller. » Et Mourad lui enfonça son yatagan dans la gorge, puis il sortit. Il lui fallut d'abord traverser les jardins. Il lui semblait qu'il ne les avait jamais vus. Les jets d'eau, en retombant dans les vasques, faisait des trilles argentins qui accompagnaient à ravir les roulades du rossignol. Des chauves-souris, semblables à de grands oiseaux de cuir, traçaient des ronds dans l'air sans qu'on entendît un bruissement d'ailes. Les arbres, tamisant la clarté de la lune, dessinaient sur le sol des mosaïques de lumière et d'ombre. Il crut voir bouger les lions de marbre et recula. Puis, ayant reconnu son erreur, il se retourna honteux de lui-même afin d'être certain que nul ne pourrait rire de sa peur. Ah, si dans ce moment un lion vivant avait passé, il lui eût fait payer cher la frayeur que lui avait causée la statue. Mais une fois la première surprise calmée, Mourad, qui n'était pas précisément d'un tempérament poétique, pressa le pas. Ce qu'il voulait voir, ce n'était pas ce jardin, prison merveilleuse, dont il n'avait jamais franchi les murs, où chaque pas se faisait sur la mousse. Il lui fallait l'espace et les aventures, l'imprévu. Il sauta par-dessus le mur et tomba au milieu d'une ronde de Nubiens. Ses braves prirent d'abord la fuite, ils n'étaient que 10, et un nuage venait de passer sur la lune. Mais quand ils virent qu'ils n'avaient affaire qu'à un enfant, ils revinrent sur leurs pas. Vous avez dû vous apercevoir que Mourad n'agissait pas à la légère. C'était un esprit réfléchi. Quand il vit approcher la ronde, il se dit « Ces gens ont fui, ils fuiront bien encore. Dois-je les attendre ? Non, le mieux est de courir sur eux. » C'est ce qu'il fit. Il y eut un choc, et le premier qu'il rencontra en eut du regret. Mais ses regrets ne durèrent pas longtemps. 2 minutes après, il était mort. Mourad jeta de l'argent aux autres et disparut dans un buisson. Les Nubiens ne ramassèrent pas le mort, mais ils ramassèrent l'argent. Seulement, il faut du temps pour retrouver quelques sequins dans la poussière, même par un beau clair de lune d'Orient. Aussi Mourad put-il s'enfuir à son aise et gagner un bois sombre et touffu. Une fois l'argent partagé, le chef réunit ses soldats et leur dit « Vous êtes tous aussi lâches qu'idiots. C'est un enfant que nous avons devant nous, quelque voleur précoce qui vient de contracter un emprunt sur la cassette royale. C'est un pactole que cet enfant. Il nous a roulé dans les jambes en nous éclaboussant de quelques pièces d'or. Il faut remonter à la source. C'est de ce côté qu'il a fui. Notre intérêt et notre devoir nous disent assez ce que nous avons à faire. » Les 9 soldats se mirent en marche, n'avançant qu'avec précaution et fouillant les buissons de leurs lances. Mourad les entendait venir et se tenait immobile dans sa cachette. Un moment vint où ils durent traverser une clairière qui inondait la clarté de la lune. Ils se consultèrent un instant. De quel côté devaient-ils diriger leurs recherches? Le chef, montrant le coin le plus obscur de la lisière du bois, le leur désigna. C'est toujours l'endroit le plus sombre que cherchent les imbéciles ou les novices qui se cachent, oubliant que c'est le premier qui sera fouillé. Au moment où le chef désignait ainsi à sa petite troupe le chemin qu'elle devait prendre, Mourad, qui s'était blotti dans le taillis, sentit une haleine humide lui brûler le cou et 10 griffes lui pénétrer dans les épaules. « Si je vous disais qu'il n'eût pas peur, je mentirais. Surtout lorsque, en se retournant, il vit 2 yeux. 2 étoiles rougeâtres le regardaient dans la nuit. Mais la peur ne séjournait pas dans le cœur de Mourad. Cependant, il distingua près de lui un autre groupe d'étoiles, effroyable constellation. Le royal enfant était couché au milieu d'une portée de 3 lionceaux. L'inconnu avait pu le faire tressaillir, mais une fois qu'il sut à quoi s'en tenir, il reprit possession de lui-même et se mit à réfléchir sur ce qu'il avait à faire. « Me voici entre 3 lionceaux et 9 Nubiens armés jusqu'aux dents. Lesquels dois-je le plus redouter ?»« Les Nubiens, assurément, car ils ont eu peur et j'ai tué un des leurs, 2 vengeances à tirer de moi. » « Si je tue un des lionceaux, il criera, et à ce cri, ces oiseaux de nuit s'envoleront. » Mourad saisit donc à la gorge le monstre qui continuait à lui labourer les chairs et lui enfonça son yatagan dans le ventre. Mais il s'y prit mal, car le lionceau passa de vie à trépas sans faire ouf. Aussi la petite armée continua-t-elle à avancer en bon ordre. Seulement, au lieu de marcher, elle se mit à courir. L'enfant alors se redressa. Il prit un second lionceau et le lança au visage des soldats lorsqu'ils ne furent plus qu'à quelques pas du taillis. Ce projectile d'un nouveau genre eut un effet foudroyant. Les Nubiens parcoururent en 10 secondes le chemin qu'ils avaient mis 25 minutes à faire. Le champ de bataille restait à Mourad. Des 3 lionceaux, un était mort, Le deuxième se roulait sur le sable avec une large blessure dans le flanc. Celui-là n'imitait pas le mutisme de son frère, il remplissait l'air de cris déchirants. Le troisième s'était blotti sous un amas de feuillage et faisait entendre de sourds grondements. Ici, Mourad eut un troisième caprice. Pour un début, ce n'était pas trop mal. Il voulut rapporter le dernier des lionceaux en souvenir de sa première sortie. Il rentra donc dans les broussailles et chercha à tâtons. Les deux enfants ne tardèrent pas à se trouver face à face. Le jeune lion, que le sort de ses aînés avait fait réfléchir, se tenait sur la défensive. Aussi, quand Mourad fut à sa portée, il lui enfonça ses 10 griffes dans la nuque. Mourad sourit. Il eût été fâché de ramener un gibier sans défense. Et, saisissant sa proie à la gorge, il lui fit lâcher prise. Le lionceau ouvrit la gueule, râla, et tout étourdi, roula sur le flanc. Le fils de Marsille le prit alors par la peau du cou et l'emporta. Mais le blessé continuait ses lamentations, auxquelles répondit bientôt un cri puissant et sauvage. La mère arrivait à l'appel de ses petits. Mourad comprit que toute fuite était impossible. La lionne venait de s'arrêter sur une hauteur et se détachait en silhouette sur le ciel blanc. Elle regardait, éperdue, anxieuse, la clairière d'où partaient les cris. Elle aperçut bientôt le blessé et ne fit qu'un bond jusqu'à lui. Elle le tourna dans tous les sens, léchant ses blessures, piétinant et égratignant le sol. De temps en temps, elle levait la tête et poussait un rugissement menaçant. Ses caresses sauvages hâtèrent la mort du lionceau. Quand la mère vit qu'il ne bougeait plus, elle se redressa, comme pour chercher sur qui venger le grand malheur qui venait la surprendre. Elle entendit alors les plaintes de ce dernier enfant qu'on lui volait et s'arrêta surprise de tant d'audace. On eût dit qu'elle comprenait que Mourad ne pouvait pas fuir. Aussi, sans se hâter, battant ses flancs de sa queue, la tête basse, les oreilles couchées, la gueule entr'ouverte, elle s'avança vers lui, commençant à tracer des courbes dont il était terrifiant d'être le centre. Pendant ce temps, Mourad avait arraché ses vêtements et les avait roulés autour de son bras gauche. Le couteau à la main, il attendait, décidé à se bien défendre, mais convaincu qu'il n'avait que peu de minutes à vivre. Marchant toujours à reculons, ne quittant pas des yeux les yeux de son redoutable adversaire, il avait gagné un rocher contre lequel il s'était appuyé. Quand la lionne ne fut plus qu'à quelques pas de l'enfant, elle s'élança sur lui. Mourad tomba à genoux. Son bras gauche disparut presque tout entier dans la gueule du monstre. La douleur qu'il ressentit était horrible. Il poussa un cri si sauvage que la lionne en fut intimidée. Alors, ne sachant plus ce qu'il faisait, ivre de rage et de stupeur, guidé bien moins par son courage que par son instinct, il enfonça son yatagan dans le ventre de la lionne et, ramenant son arme de bas en haut, il lui fit une plaie béante par laquelle les entrailles s'échappèrent. L'enfant se sentit inondé de sang. Il tomba sous le poids du cadavre et perdit connaissance. En vérité, mes amis, il ne fait pas bon rester dehors. Rentrons ensemble dans le palais de Marsille et voyons ce qui s'y était passé. D'heure en heure, pendant la nuit, des rondes parcouraient le château. Il arriva qu'un soldat, en passant devant la chambre de Mourad, glissa au grand scandale de son chef et s'étendit sur la dalle de tout son long. Il se releva et rentra au corps de garde en butte au quolibet de ses camarades. Une lampe fumeuse éclairait la salle tant bien que mal. Le soldat remarqua, en s'en approchant, que ses mains étaient rouges de sang. Il crut s'être blessé, se tâta et s'aperçut que ses vêtements en étaient également imprégnés. « Voilà qui est étrange, » dit-il à son chef. « Je ne suis pas blessé, et cependant, regardez mes mains, mes habits. » L'officier prit un falot et, accompagné par le soldat, il recommença sa ronde en sens inverse. Arrivé devant la porte de la chambre de Mourad, il s'arrêta et remarqua avec stupeur un filet de sang qui prenait sa source dans l'intérieur de l'appartement. Il courut en hâte prévenir le commandant du poste chargé du service de nuit. Celui-ci s'en fut tout effaré, donner avis de cette découverte au gouverneur du palais, qui en fit part aussitôt au chambellan de service, lequel, n'osant prendre la responsabilité de réveiller le sultan, s'en alla trouver le ministre, qui, hors d'haleine, porta cette grave nouvelle à son maître. Marsille se fit habiller au plus vite. Pâle, tremblant, les yeux à demi ouverts, les vêtements en désordre, il courut chez la sultane. Celle-ci, qui ne s'attendait pas à cette visite et qui n'avait jamais vu son seigneur en pareil équipage, poussa un cri. À ce cri, les 50 suivantes de garde arrivèrent effarées. En entendant le récit de Marsille, la belle Hadrama et 10 de ses femmes tombèrent pâmées. « Par les sourcils du prophète, c'est bien le moment de faire de pareilles singeries. Nous n'avons pas un instant à perdre. Celle de vous qui reprendra ses sens la dernière recevra 50 coups de verge. » Au même instant, tout le monde fut sur pied et prêt à partir. Le roi, la reine, le ministre, le gouverneur, le chambellan, le chef du poste, l'officier, le soldat, les 50 suivantes, les 50 gardes du corps et les eunuques se mirent en marche, précédés de 20 nègres porteurs de torches. Le cortège arriva devant la chambre de Mourad. La porte fut enfoncée. En voyant quelle était la victime, le roi respira plus librement. « Ce gouverneur nous a fait une peur, » dit la belle Hadrama. « C'est votre faute, ministre, » dit Marsille en fronçant le sourcil. « Qui vous a donné l'audace de nous troubler pour cela ?»« Seigneur, c'est votre chambellan de service qui est venu me réveiller et me dire que le prince se mourait, si j'avais pu supposer. » Le chambellan, voyant sa faveur en danger, rejeta la faute sur le gouverneur du palais, qui s'en prit au commandant du poste. Celui-ci accusa l'officier de garde, qui fit appliquer sur le champ 100 coups de bambou aux soldats cause première de tout le mal. Le cortège, rassuré, allait se remettre en marche, quand la reine poussa un cri. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» dit Marsille en faisant comme tout le monde, 3 pas en arrière. « Ne voyez-vous pas que la chambre est vide ? On a tué mon fils, il n'y a pas à en douter. Je rêvais chat quand vous m'avez réveillé. Mon fils est mort, mon fils est mort. » « Ce ne peut être que le gouverneur qui l'a tué. Vous ne savez pas ce que vous dites, chambellan, » reprit Marsille. « Et vous, madame, vous êtes folle, rentrez dans vos appartements. Quant à vous, gouverneur du palais, songez que si mon fils n'est pas retrouvé au soleil levant, vous aurez les honneurs du pal. Allez, je compte sur votre zèle. » Marsille rentra chez lui, s'étendit sur des coussins et dormit jusqu'à 9 heures, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il vit, en ouvrant les yeux, le gouverneur du palais, immobile au pied de son lit. « Ah, vous voilà! M'apportez-vous de bonnes nouvelles ?»« Seigneur, le jeune prince est retrouvé. »« Eh bien !» dit Marsille à la belle Adrama qui venait d'entrer. « Vous voyez que vous étiez trop prompte à vous alarmer. » La sultane ne répondit rien et essuya une larme. « Et où avez-vous retrouvé Mourad ?»« Dans le bois d'olivier qui borde le parc. »« Ah, voilà mon aiglon qui essaye ses ailes. Que faisait-il ?» Le prince dormait auprès d'une lionne et de trois lionceaux. « C'est impossible, gouverneur. Je vous connais, vous ne seriez pas allé le chercher là. »« Seigneur, la lionne était morte, ainsi que deux de ses petits. » Le troisième, le seul vivant, ne pouvant plus têter sa mère, la dévorait. « Et qui donc avait fait ce beau carnage ?»« Moi, » dit Mourad, entrant pâle et sanglant, suivi de deux esclaves qui tenaient son lionceau enchaîné. Marsille se leva, il courut au-devant de son fils, le prit dans ses bras et le couvrit de caresses. L'enfant ne les lui rendit pas. Il venait de s'évanouir, épuisé par la perte de son sang et vaincu par la douleur. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il fut soigné en fils de roi, en vainqueur de lion. Le ministre présenta, quelques jours après, un rapport au sultan par lequel il prouvait d'une façon péremptoire que le gouverneur du prince s'était donné la mort. Marsille sourit. « Voilà un beau travail, ministre. Je tiens à vous en récompenser. C'est vous qui remplacerez le gouverneur auprès de mon fils. » Mourad grandit et son lionceau ne le quitta plus. Partout on les voyait ensemble, même sur le champ de bataille. Aussi firent-ils en même temps leur entrée à la passe d'armes de Fronsac. Vous connaissez maintenant Mourad Henakieh Meimoumovassi. Retournons auprès de Charlemagne.